Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une héroïne de nos jeunes amis. Miley Stewart se bat chaque jour pour concilier l'école, les copains et son identité secrète. Elle est la pop star Anna Montana, mais la célébrité d'Anna menace d'envahir la vie de Miley. Le père de la jeune fille décide de la ramener chez lui, dans le Tennessee, pour un petit retour à la réalité. C'est le début d'une aventure pleine d'humour, de rire et d'émotion que même Anna Montana n'aurait jamais pu imaginer. Le monde entier connaît Anna, la superstar. N'oublie pas que c'est ton tour de faire la vaisselle ce soir. Jusqu'à maintenant. Bienvenue dans le Tennessee. Papa, s'il te plaît, non. Je crois que c'est terminé. Alors je serai plus jamais Anna. On en reparle dans 2 semaines. Elle avait tout ce dont on peut rêver. Elle va avoir la surprise de sa vie. Déclare. Où on va? Je vais te montrer tout ce que tu as. Ce qui te paraît juste. Anna Montana, le film. Vous êtes très proches, Miley et toi. Oh là, tu peux pas savoir. Anna Montana, le film. Avec Miley Cyrus, un DVD Disney.